C'est toujours Plectrum sur les ondes de CISM 89.3 FM. Je m'appelle André Péloquin. On entame dès maintenant notre deuxième heure, l'heure anglophone. Et pour débuter, on va y aller avec quelques pièces pop. Mettons vedette le piano, pourquoi pas. Et là-dessus, on va avoir des succès poussiéreux de Supergrass. On va aussi avoir du Ben Folds 5. Mais avant, on va débuter avec Brian Scary. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, communiquez-moi ça par courriel à plectrumcism@hotmail.com pour avoir plus de détails sur la station. C'est le CISM893.ca. On y va dès maintenant avec la pièce « The Ceiling on the Wall » de Brian Scary. À tout de suite! We'll be right back. Take you to the mountains of the moon, hiding underneath the noonday gloom. You wouldn't have to see me fall here daily. Don't let the ceiling on the wall derail me. Will I return to you? Will they turn the proper screw? Will the morning whistle blow anew? Your every sympathetic look. Fail me. I've never seen a ceiling fall. I'm never gonna get that far. Brian Scary avec la pièce de Ceiling on the Wall. Bonjour tout le monde, c'est que t'es toujours Plectrum, la grande traversée du jeudi sur les ondes de CISM 89.3.ca. La marge! Un peu avant, on avait Ben Folds 5, un succès souvenir, c'était Song for the Dumped, et on a débuté avec le classique de Supergrass. All right! On va poursuivre dès maintenant avec des trucs un petit peu plus électro. On va avoir du Jean Hainipo en compagnie de DJ Orgasmic. On va aussi avoir du Cancer de Serre de Sexy, remixé par Bandido Rolé. On va aussi avoir le trio montréalais Duchesses. Et pour débuter, on va avoir du Cap Bambino et la pièce Save. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, acheminez-moi ça par courriel. Mon adresse, c'est le plectrumcsm@hotmail.com. Si vous avez besoin de plus de détails sur la programmation d'aujourd'hui à Plectrum, je vous invite à rejoindre mon site sur le plectrumcsm.blogspot.com pour avoir plus de détails sur la radio que vous écoutez en ce moment. Ça se passe au CISM 89.3.ca. là-dessus, trêve de bavarderie et on continue avec du Cap Bambino. Reste à l'écoute, il y a un concours qui s'en vient. Oh, les trucs gratos, on aime ça! Os moleque dengoso com a sunguinha de bichinho. Mas se você quer brincar, você vai enlouquecer. Bote a mão na cintura, então comece a descer. Então desce. GG tá de frajola, mas cuidado com a velhinha. Riquinho de perna longa, tu vai se amarrar. Leozinho tá de papalégua, te fazendo delirar. Então desce, então desce. Morde a boca e faz beicinho. Os moleque dengoso com a sunguinha de bichinho. Mas se você quer brincar, você vai enlouquecer. Bote a mão na cintura, então comece a descer. Então desce. GG tá de frajola, mas cuidado com a velhinha. Riquinho de perna longa, tu vai se amarrar. Leozinho tá de papalégua, te fazendo delirar. Então desce. C'était Jean-Ai Nippon en compagnie de Orgasmic. C'était la pièce Laetitia. Bonjour tout le monde. André Bloquin au micro. C'est Plectrum, la grande traversée du jeudi qui se déroule dans tes tympans. Un peu avant, on avait Cancer de Serre de Sexy avec la pièce Ah la la. C'est le remix de Bondedo Rolé. Un peu avant, on avait de Montréal, Duchesses avec la pièce Babies Got the Rabies. Ils sont présentement en tournée un peu partout aux États-Unis ainsi qu'au Canada. Et on a débuté avec Cap Bambino. C'était la pièce Save. Avant de poursuivre avec un petit peu de hip-hop, on va y aller avec le concours Game Buzz. Pour ceux qui n'écoutaient pas la première heure, eh bien, honte à vous. Deuxièmement, eh bien, Plectrum est maintenant en partenariat, si vous voulez, avec Game Buzz, boutique de jeux vidéo, et jusqu'au mois de décembre, jusqu'au 21 décembre, à chaque semaine, on va vous faire tirer des jeux Game Buzz, et toutes les personnes qui participent au concours, qu'elles gagnent ou pas ces jeux, sont aussi éligibles à un grand tirage qui se feront les 16 et 21 décembre prochains, et les personnes qui gagneront, on a deux super prix pour vous, ces deux ensembles Wii, la nouvelle console de Nintendo, vous allez avoir une console, des jeux, des accessoires, c'est une valeur de 500$. Et bien sûr, en bon trouble-fête que je suis, je ne vais pas vous rendre la tâche facile parce que moi aussi, j'en veux une Wii. Alors, c'est pour ça que je vais vous rendre ça un petit peu plus stressant, vos tirages. Je vais vous faire jouer une pièce tirée d'un jeu vidéo dès maintenant, et vous, en échange, vous devrez contacter le courriel suivant, GameBuzz, GameBuzz, cism893.ca, et nous dire de quel jeu vient cette pièce, aussi préciser le nom de l'émission et l'heure que vous l'avez entendu. Et d'ici la fin de la semaine, on va faire un tirage, et une personne qui aura une bonne réponse devrait se mériter un jeu d'une valeur de 50$. Mais là, c'est beau, André, là, mais c'est quoi la chanson? Eh bien, on commence, disons, doucement cette semaine, mais ça va se complexer de semaine en semaine et de jour et en avenir. Et je m'excuse, je suis en train de chercher... Aha! Voici la chanson. Je vous donne un indice, OK? Vous êtes chanceux, ceux de la première heure n'ont pas eu d'indice. C'est un des premiers jeux qui est sorti sur la console Super Nintendo SNES. C'est le seul indice que je vous donne. Voici maintenant la pièce. Thank you. Et voilà, c'est tout comme extrait. J'espère que vous avez deviné. Je vous rappelle les coordonnées. GameBuzz, GameBuzz, @CISM893.ca. Le nom du jeu, je vous le répète, un des premiers jeux qui est sorti sur le SNES. Long d'émission, vers quelle heure vous avez entendu la pièce. Maintenant, on poursuit en musique. On va avoir du Buck 65, du MF Doom, du Spruce Lee, mais on débute dès maintenant avec du Suck My Pop. À tout de suite! Yeah! What? Check this out, right? Yeah! What's up, motherfucking inside boy? What? The cave, the crump? What? I got you with some new shit! What? Yeah! I just got a low and platinum what? Shit! Don't mean we what? Don't change, nigga! What? We the motherfucking king! Yeah! And we gon' always get this motherfucking crump! What? Now let's talk about some onion! Well, let's go! Stepping Michaels! Do a steal! Yeah. swings. Slip into some real bad things. Let's get into some real bad things. Bang into the bell, stop ringing. Boobs, toss all the jive in the interview. Suck both now, stack, I gotta wait your turn. Scott stack in the box to make your pockets turn. She buys fast cars to the bar. We all shot it, hope we never make it far. In the stilettos and pantyhose, I step to the bitch professional. I tapped the hoe and gave her the go. Sounds way too fast, she went out of control. Shot animates when she took the stage. She dipped this way that the music plays. Shook that thing that her mama gave her. Twerked all the fine pussies to an early grave. She wants to ask, she can call it this chant. Ooh, that pussy is damn. Come back, tramp. Fuck that, bump that, bump that amp. She wants to ass shaking competition champ. Ooh, that pussy is damn. Come back, tramp. Fuck that, bump that, bump that amp. Bank into the bell, stop ringing. Shift the angel up its wings. Slip into some real bad things. Let's get into some real bad things. Bank into the bell, stop ringing. Shells, they all fell. World domination started sitting in my cell. Potential kinetic, only time tell. Pressing up units for more to make them sell. Messing up universe, fractal cause chaos. Communicate with the dead, grim as in the seance. Don't take it personal, this is strictly business, kid. Nosy niggas wanna hang around, we killing witnesses. We're into torture, have you tired of hollering? Bleed, let you die slow, in heaven hovering. Faced by adversaries, every confrontation conquered it. Faces of my adversaries, mutilation severed it. Traces of my adversaries, existence like they never did. Other cases of armed person carry, yes I did a bit. Dream what the feds fear, war, pistol whipping pigs. Hold two play tight, rims grimy, twisting wigs. Not a stranger to getting hands, dirty clothes, bloody. Either mine or enemy or close buddy. We come to terms, it's the life we lead. Some burn from it, Lucifer indeed. They can't separate their wants from needs. Some learn from it and try to teach the seeds. A new breed coat sees the wide power. Others throw salt in the game, let them gross like their sunflowers. Hail gunpowder, sparks I sneeze. Your style stinks and I'm Febreze. I'm ever flowing so I rhyme Febreze. Ben, Willard, I rhyme for cheese. Manhattan, murder lay you down with ease. Manhattan, clam chowder, 1,000 degrees. Niggas nowadays take your eye off, you're a goner. If I think you a snitch, then I throw a cup of water on you. Hit team, fly through, kill you on your own corner. Second team, flank crew, mowing down the cowards, scatter. Some have kids, but when it's on, it doesn't matter. The feet that hunt you later, once now that pitter patter. Hit baby formula, Similac, crack splatter. Fox 5, cover it, kill reporter, take camera. Gunfire, ducking it, hunt it like Al-Qaeda. Strictly with my mind, choking niggas like I'm Darth Vader. Stick me on the crucifix, reappearing days later. Fuck Jacob's ladder, time change, use an elevator. Life is a struggle, so day by day's the entertainment. Day by day we make our moves for competition, hit the pavement. Ghetto politicians, recognition, move the crowd. I'm waving, shaking hands and kissing babies. Maybe they assassinate me, fully automatic. Rapid fire bullets fill me. $6 million man stronger, they rebuild me. A hybrid, Michael Corleone, with the perspective of Michael Concepcion. So if you fuck with me, the nigga is on. With the clock moving, pawns with Victor Vaughn. I make it rain blood with Megalon. Brothers in the street know that Grimm's a dawn. Yes, I made man, trapped in the wasteland. They know my mind's a refinery, so they keep an eye on me. Change life for comrades before they all die on me. I sacrifice mine before they all die on me. 007 tuxedo niggas spy on me. Unavoidable, death will occur. Niggas left shaking, not stirred. On video surveillance, Grimm is blurred. Put me under the jail, that's what they prefer. I don't give a fuck, tuck my gun in my waist. Tie my belt tight so it stays in place. Get out my chair, crawl up the steps. No elevator so they don't feel I'm a threat. But believe me, I'ma get them, and that you can bet. Think it's a prank, nothing to see but a knock. As he opens the door, I'm on the floor with a Glock. Homemade suppressor so the noise won't start. Most in his face, a few in his heart. Without a trace, I slither down the stairs. Upper body strength, I'm back in my chair. Cause when I'm mad, nigga, I don't care. Talk shit from far, I'ma leave you there. Reach for your gun, it's done in vain. Grimm ain't the one, you'll be left in pain. Bullets pollute blood, affect the brain. I move fast, I'm curious, we're shifting lanes. Many get jealous, cause money we stack. Every time they try to kill me, I come right back. Doc, here he comes again, what do we do? Surrender. Driving with the yellow dog, I-95's got a smile on his face and big shiny eyes. Up at a decent hour, never ate yet. Got a little Johnny Cash in the old tape deck. Nothing in the trunk but some baseball gloves. Pair of jumper cables and a set of golf clubs. Blanket on the back seat, we're in rough shape. Sunroof held on with a bit of duct tape. Looking for a gas station, better make a list. Fill her up with regular, I need to take a piss. Sexy girl air freshener, stacks in a pinwheel. Top up the fluids, clean the bugs off the windshield. Not a care in the world, not a how and a why. No destination, not a cloud in the sky. Back on the road, not a moment too soon. Dish ran away with some other spoon. Wicked and weird, I'm a road hog with an old dog singing slow songs, trying to hold on. Wicked and weird, I'm a rat fish under practice, doing backflips on your mattress. Wicked and weird, I'm a road hog with an old dog singing slow songs, trying to hold on. Wicked and weird, I'm a rat fish trying to practice, doing backflips on your mattress. Hole in the muffler, ghost on the shoulder. Cough drops, loose change in the beverage holder. To roll down the window, you gotta use a wrench. Been thinking about brushing up on my French. Right there in the glove box, if you should look, you'll find 40 parking tickets and a copy of the good book. Don't bother looking, you'll never find me. I'm starting from scratch and leaving trouble behind me. Wicked and weird, I'm a road hog with an old dog singing slow songs trying to hold on. Wicked and weird, I'm a rat fish trying to practice doing backflips on your mattress. Wicked and weird, I'm a road hog with an old dog singing slow songs trying to hold on. Wicked and weird, I'm a rat fish trying to practice doing backflips on your mattress. but all I need's a half-decent breakfast. And I'll be back at it, dirty and reckless. 5 o'clock shadow, lips like mud flaps, hands like eagle's talons, eyes like hubcaps. The further I get, I keep going faster. Whispers in the wind, and cows in the pasture. I have no plans, nothing to prove either. I eat out of a bag and sleep in a movie theater. I always a storyteller, I just write it down. Already been beaten, there's no way to fight it now. I just kick back and keep warm on the cold days and laugh, cause it ain't like it was in the old days. I figure when I make it to the heavenly gates, they'll be working on my car and playing 78s. Wicked and weird, I'm a road hog with an old dog singing slow songs, trying to hold on. Wicked and weird, I'm a rat fish trying to practice doing backflips on your mattress. Wicked and weird, I'm a road hog with an old dog singing slow songs, trying to hold on. Wicked and weird, I'm a rat fish trying to practice doing backflips on your mattress. Bonjour tout le monde, c'est André Péloquin et vous écoutez Plectrum, la grande traversée du jeudi sur les ondes de CISM 89.3 FM. Un peu avant, on avait MF Doom en compagnie de son personnage MF Grimm. C'était 1000 degrés, 1000 degrees. Un peu avant, on avait deux mashups. Le premier, c'était Spruce Lee, un mashup de Wildcat versus Backyard Billy, des pièces respectivement de Ratatat et de Spank Rock. Un peu avant, on avait Suck My Pop qui lui mixait ensemble des pièces de Le Tigre et du roi du crunk en personne, Lil Jon. Yeah! On va terminer l'émission dès maintenant. J'en ai marre, je vais aller danser le cha-cha, disons. Et on va y terminer ça dans le folk joyeux. Alors, beaucoup de reprises à la sauce folk. On aura droit, entre autres, à une reprise de Pink Floyd par Lou Reed and the Wrongs. C'est le classique Another Brick in the Wall. On va aussi avoir du Yesterday's Ring avec la pièce Old Dogs. On va avoir un classique de la musique indie-rock, Neutral Milk Hotel, et la pièce In the Aeroplane Over the Sea. Et on va débuter le bal avec Two Tons of Steel, qui eux reprennent les Ramones, avec la pièce I Wanna Be Sedated. Restez à l'écoute, parce qu'après ces pièces magnifiques, il va y avoir la fantastique Catherine Perrault et son palmarès du jeudi, qui aujourd'hui est en grande compagnie du monde qui gagne des Félix puis qui ont des barbes de 3 jours quand même. Je parle bien sûr de Carquois qu'elle va interviewer et qui vont aussi se livrer à une prestation. Est-ce qu'ils vont être capables de topper ma version de leur succès Red Light? J'en doute. En voici d'ailleurs un extrait pour ceux qui m'ont jamais entendu l'affaire. Red Light! Red Light! Hein? J'en gagnerais-tu les prix, moi, avec cette petite face-là, cette petite voix-là, là? Et non, je vais laisser ça au pro. Je vous le rappelle donc, Catherine Perrault, Carquois, dans quelques minutes. Mais avant, vous allez endurer des pièces de cowboy. On y va dès maintenant avec Two Tons of Steel. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, plectrumcism@hotmail.com. Des sites web à retenir, plectrumcism.blogspot.com, c'est mon blog avec les résumés des émissions. Podmodernisme.blogspot.com, c'est mon podcast. Et finalement, le site le plus important au monde, à part brunob.com, c'est le CISM893.ca. C'est tout pour moi, j'ai assez dit niaiserie. J'espère vous retrouver la semaine prochaine. Reste à l'écoute, car quoi, merde, c'est pas tous les jours qu'on soit ça, yeah! Mais avant, un petit peu de Ramones. Salut tout le monde! 20, 24 hours to go. I wanna be sedated. No place to hide, no place to go. I wanna be sedated. Take me to the airport, put me on a train. Hurry, hurry, hurry, before I go insane. Well, a ticket for my fingers and a ticket for my brain. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. 24 hours to go. Oh, I wanna be sedated. No place to hide, no place to go. I wanna be sedated. Put me on an airplane, take me to the show. Hurry, hurry, hurry, before my mind explodes. Well, a ticket for my fingers and a ticket for my toes. I need a summer. fingers in a ticket for my brain. Oh, 24 hours to go. Oh, I wanna be sedated. No place to hide, no place to go. I wanna be sedated. Put me in a wheelchair, take me to the show. Hurry, hurry, hurry, before my mind explodes. Well, a ticket for my fingers and a ticket for my toes. That is circling all around the sun. What a beautiful dream that could flash on the screen in a blink of an eye and be gone from me. Soft and sweet, let me hold it close and keep it here with me. And one day we will die, and our ashes will fly from the aeroplane over the sea. But for now we are young, let us lay in the sun and count every beautiful thing we can see. Love to be in the arms of all I'm keeping here. Sounds from the street. There are lights in the clouds and his ghost all around. Hear a voice as it's rolling and ringing through me. Soft and sweet, how the notes all bend and reach above the tree. Chicago. I miss our old town, cold but beautiful. And we could still make it today if we managed to stay on our feet. Excuses to drink every night for the past 7 years. And I know she'll be with you tonight, but Steve-O would be like dying, like old dogs on tour. Drink every night for the past 7 years, and I know she'll be with you tonight, but staying home would be like dying. And we still need excuses to drink tonight and tomorrow morning. After all this, I'm still on my feet, like old dogs on tour.